Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. L'appel du sentiment, du sentiment. Du sang et du ciment. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Et sur l'appel du sang, du sang, du sang. Celui de son enfant. Petit innocent. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel du ciment et des enfants. Sous leur sac de plastique, ils rêvent à leur maman. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Et pour chaque petit paquet de poudre blanche, un peu de sang et de ciment. Et quelque part, une maman. Un sac blanc, un sac. Et son petit enfant dedans. Merci.